بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. طيب، أمس كملنا القاعدة الرابعة، أو الثالثة، كملنا الثالثة أمس مع التفاصيل sur ceux qui soit ils refusent les sifat, les textes car ils disent que l'apparent, le sens voulu n'est pas celui qui apparaît, ou d'autres disent que c'est le sens qui apparaît, donc comme ce sens-là ne nous plaît pas, on le rejette. تكلمنا حول هؤلاء. Et le os de la qaïda, c'est tout simplement que un nusus toujira à la zahiria, on les prend selon leur apparent. ثم شرف في القاعدة الرابعة قال توهم بعض الناس في النصوص في نصوص الصفات والمحاذير وبل توهم توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المرتبة على ذلك. Parce que les gens ils ont cru à propos des textes des sifat et les méfaits qui en découlent. Ils sont awahum, ils sont de quatre catégories. Atamthil, Takif, Ta'til, ou l'intikas fi haqillah. Le fait de réduire du rang d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, i'alam anna kathira min al-nas yatawahamu fi ba'd al-sifat allati dallat alayha nusus ou kathira minha, ou aktharuha, ou kullaha. أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي يتوهم فيقع في أربعة محاذير. صار لديك ces gens-là qui l'a dit que les gens comprennent mal les textes dans leur apparent, la plupart des textes ou même presque tous les textes, que ces textes-là amènent à faire une ressemblance avec la créature. Donc après, à cause de ce waham qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il renie ce texte. Donc là, ce qu'on a dit au début, le premier tawahum qu'il a, c'est tout simplement le tamsil. Que le résultat de ce texte, madloul al-annas, amène au tamsil. Il fait ressembler Allah à la créature. Donc nous, on arrête de répéter que les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala hiya walaw kanat al-alfaz mushtarika yataliqu bihi 'azza wa jalla, comme cela lui revient à lui. Et cela, de penser cela, c'est du kufr du dalal. Wa hadha yukhalif an-nusus, les ayats comme on l'a pris, laysa kamithli shay. Et de dire que le prendre ce texte-là amène à faire ressembler à Allah sa création, ça suppose que Allah spontané il veut de nous. Il n'y a pas de tanakud fi kalamillah. Donc là, c'est une compréhension qui est fausse. Deuxième, قَالَ إِنَّهُ جَنَى عَلَى النُّسُوسِ حَيْثُ نَفَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعَانِي الْإِلَهِيَّةِ ثُمَّ أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ فكان جانيا على النصوص من وجهين. Deuxièmement, c'est une atteinte envers les textes du fait qu'il leur donne un sens que ce texte-là n'indique pas. Et ces sens, ils sont divins à la base. Les sens que Allah a donné à son livre, c'est le sens divin, ça vient de lui. Donc lui, ça veut dire quoi? Il donne des sens autres que ce qu'Allah a donné et cela amène à parler sans science, à préciser cela sous deux points de vue. Tout aussi vient autour de ça. Surtout ça dessus. Là, en fait, ça veut dire là, c'est Aouham. se regroupent autour de ce point-là. Il y a du tamsil, du takif, du ta'til et du intikas min haqqillah. Ce n'est pas genre il en fait un, c'est un. Tous ils représentent, ils regroupent cela. Non. Alors juste après lui, fait ce tafsil à lui par rapport à ça. ثم قال الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من صفات بغير علم فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم وهذا محرم بالنص والإجماع. Après, il a renié ce que les sens de ce texte donnaient parmi les sifat et autres que les sifat, c'est-à-dire qu'il apparaît sur Allah sans sens. Il apparaît sur Allah sans sens subhanahu wa ta'ala, et ça c'est muharram. Hada par le texte, les versets, et par l'ijma. Qala Allah azza wa jal, qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghi bi ghayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Que mon Seigneur a juste interdit les turpitudes qui soient apparentes ou cachées, ainsi que le péché et l'injustice sans droit, et que vous s'associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Non, surat al-A'raf, verset 73. Et Ibn al-Qayyim, dans ce verset-là, il dit que le fait de parler sur Allah sans science est pire que de faire du shirk, car le shirk n'est pas venu si ce n'est le fait d'avoir parlé sur Allah sans science. C'est pour ça qu'il est venu en dernier, il est venu après les shirks. Qala, an tushriku billah, ma lam yunzil bihi sultana. Et après, il finit par, man taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Donc il n'y a pas de bid'a, ni de shirk ou autre qui soit venu, si ce n'est que d'avoir parlé sur la religion bila ilm. Donc le fait de parler sur la religion sans ilm, c'est extrêmement dangereux. Adabeb kulishar. C'est la porte à tous les maux. Donc ça, c'est un tembi pour des gens qui se lancent dans la da'wah, qui n'ont que très peu de bagages, qui se mettront en avant, qui ne tombent dans ce genre de mahavir. Qala Rabi'a annahu idha nafa 'an Allah 'azza wa jalla ما تقتضيه النصوص من الصفات الكمال لازم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بنقيدها من صفات النقص. C'est-à-dire que si jamais il refuse d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que inclut les textes comme sifat de perfection, cela implique le contraire, c'est-à-dire que Allah sera décrit par leur opposé. On a expliqué parce que les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, celles qui sont manfiyah, c'est nafiyah quoi, mahd, c'est pas mahd, c'est pour impliquer leur contraire dans la kamal. Donc lui, il refuse ce sifat de Kamel. Donc ça veut dire que Allah est tassif bizarrement. Pourquoi? Car il n'y a pas une chose qui existe sans qu'elle ait des attributs. Il n'y a pas un zat sans qu'il n'ait de sifat. Donc si jamais tu rends dénué ce zat de sifat de Kamel, qu'est-ce que cela veut dire? Qui sera décrit par le sifat de Nox, de par leur opposé. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, la règle est comme ça. Les sifat menfiés qu'il a donné, c'est pour affirmer leur opposé. Donc si tu dis que mathalan, Allah, il n'est pas hay, ça veut dire qu'il est mayyit, qu'il est mort. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu dis que Allah n'est pas samir, ça veut dire qu'il est asab. Rien de ça. Donc en faisant ce qu'ils ont fait là, ils ont décrit Allah par des sifat d'imperfection et de défaut. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات بل قد يرتقي به الغلو الى النفي الى تمثيله بالممتنعات المستحيلات. Ça sert à rien ce qu'on a dit là et auparavant dans les autres durus, que renier ces sifat implique l'affirmation de leur opposé. Pour aller avec ça. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala, tu inclus toutes les choses qui amènent à ce qu'il soit maudjoud, ça va amener à ce que tu le fasses ressembler à ce qui est mardoum, ce qui est inexistant et ce qui est impossible. Comme ce fut le cas de qui? Des ghurat, al-jahmiya ou al-falasifa. Donc là, à ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis un crime envers ce texte. il les a supprimés. Il a supprimé le sens apparent de ce texte. Et il a révélé des sens qui ne sont nullement indiqués par les textes. Des sens qui viennent de lui-même. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assemblé entre différentes choses. Le nafi, négation, mais ce n'est pas ce que Allah Spontané a voulu. Lui a fait un nafi mahd. De l'autre côté, il a fait un tamthil. Un tamthil est quoi? Ce qui est mahdoum. Après, il a fait un tahrif, car les textes les ont changés. Il a fait un tartil, qu'elle a supprimé le texte ou le sens apparent de ce texte. Donc il a regroupé tous les mots. Tous les mots sont revenus. Il a fait un nafi mahd, il a fait un tamthil, il a fait un tahrif, il a fait un ta'til. Donc là, il est quoi? Il est mulhidan fi asma'illahi ta'ala wa ayati. On a pris l'ilhad, c'est quoi? Tu te rappelles l'ilhad, c'est quoi? Ma'ou? C'est le mail an ilhaq. Naam. Comme il dit Azzawajal. Wa lillahi l'asma'il husna fad'uuhu biha. Wa dharu allazina yuhiduna fi asma'ihi. Sayujzaun ma kanu ya'malun. Puis Allah a les plus beaux noms, on peut invoquer-le avec, et délaisser ceux qui blasphèment ces noms. Et seront rétribués en fonction de ce qu'ils commettaient. Al-A'raf, verset 180. L'ilhad. L'ilhad, il a des darajat. L'ilhad akbar, c'est du kufr. C'est le kufr, on l'appelle malahida, mulhidun. Après, une personne qui tombe dans les maras, il délaisse l'istikama, il a une forme de l'ilhad. Donc eux, pourquoi leur shubuhat qui se répète, مثلاً, Allah akhbara an nafsi qu'il est mustawi ala l'arsh. Donc des gens, ils ont dit quoi, l'istiwa de l'arsh sur l'arsh, c'est comme l'istiwa des gens sur leur monture, ou sur un bateau, ou sur autre chose. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de son arsh comme nous on a besoin de notre monture. مثلاً, s'il venait à ce que ta monture elle tombe, qu'elle disparaisse, ou autre, ou que le bateau y coule, tu couleras avec lui. Donc ils ont fait l'istiwa du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de son arche, comme le nôtre sur nos montures et sur nos embarcations, réel zalika. Donc ils ont fait quoi? Ils ont renié la haqiqa de l'istiwa. Donc ça c'est un wahm qui est khati. C'est un wahm qui est khati. L'istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kama yalikubi. Donc leur pensée, elle est mauvaise. On ne peut comparer son istiwa, et qu'il s'agit de l'istiwa, ou d'autres sifat. مثلاً, قال عز وجل, والسماء بنيناها بأيدين. Que les cieux, nous les avons construits d'une main. Surat al-Zariyat, verset 37. Donc ça veut dire quoi? قَالَ بَنَيْنَاهَا مَا مَنَا بِنَا فِي الْعَرَبِيَ. Construire. Est-ce que ça veut dire qu'Allah est construit comme nous on construit? Qu'il a besoin d'instruments, d'outils, de casaïs, de casaïs, de casaïs? Abadan. Donc le binet d'Allah, ce n'est pas notre binet à nous. Ce n'est pas notre binet à nous. Un autre exemple qui donne aussi, qui a amené à leur mauvaise compréhension, c'est que l'Allah Azza wa Jal, là c'est une chouboise qu'on entend souvent. قَالَ. Ah, j'ai perdu la page. خذ مصحفك سورة نوح قال قال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به. Quand on le verset que avez-vous cru que celui qui est dans les cieux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire que Allah est à l'intérieur des cieux. Tout comme on dira, Foulen est dans la pièce. C'est-à-dire que la pièce l'entoure. Et on a bien dit que Allah n'est pas entouré par sa création. Donc, ça, c'est quelle erreur? L'erreur du Jahl, باللغة العربية. في بمعني في ظرفية. C'est-à-dire une chose intérieure, enveloppante. Et ça dépend en fait du ta'alluq. Car le harf jar, comme on le prend dans les durus de Nahu, il ta'alluq bi shay. Le harf jar, il s'accroche à quelque chose. À la base, c'est le fi'al. Ou ma ya'mal amal le fi'al. Le verbe, ou ce qui fait l'action du verbe. Tu as des choses qui font le même effet qu'un verbe, ce ne sont pas des verbes. On va les prendre. On va les prendre comme le masdar, ism fa'il, ou ism maf'oul, ou ghayr dhalika. Et en fonction de ce à quoi s'accroche le harf jar, le sens peut changer. Donc là, on va dire, les falen, lorsqu'on te dit, il donne l'exemple, el waj fi amara, fi amara, le visage est dans un miroir, par exemple. Ou el kalam fi le waraq, maktoub fi, que la parole est sur la feuille, écrite sur la feuille. Nous, en français, ça apparaît tout de suite. On dit sûr. Mais en arabe, ce n'est pas pareil. Donc on leur dit, si un mille a été dit, hel el arsh fi sama ou fil ard, est-ce que le trône est dans les cieux ou sur terre? Il dira fi sama. Alors que le arsh, pourtant, le arsh, il est plus grand que les cieux. Donc comment ça, comment on joue entre cela? Ça réfute à leur compréhension. On dit el arsh fi sama. طيب ليس في الارض في السماء ومع هذا العرش اكبر من السماء فكيف معنى هذا comment tu le réponds كنا السماء يأتي بمعنى العلو يأتي بمعنى العلو كما في كل عز وجل وانزل لكم من السماء ماء il a fait descendre pour vous des cieux ou du ciel de l'eau d'où vient l'eau l'eau vient des nuages et les nuages sont où بين السماء والارض كما نقي بل الايات دونك ça veut dire quoi que en fait l'eau vient d'au dessus quand même ça c'est d'une part donc l'eau ne vient pas des cieux en soi directement et également fi y a-t-il bimana ala le sens de ala sur كما نعلم ذلك في كل عز وجل فسيروا في الارض فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ Nous, en français, lors de la traduction du ma'ana, on dit directement « parcourir sur terre ». Mais là, dans le verset, c'est en arabe « fil ard ». Est-ce que tu marches dans la terre? Est-ce que tu parcours à l'intérieur de la terre? Là, « au kafikul la'aza wa jel »« kama kale fil aoun »« wala usallibannakum fi juzur en nakhal »« je vais vous crucifier sur le tronc du palmier ». En arabe, c'est « fi » Jouzour. Est-ce qu'il va te crucifier à l'intérieur du tronc? Non, c'est sur le tronc. Donc, ma'ana fi ou na ma'ana ala. Comme on dit à Azawajel, wa min da'abatin fil ard, il est à Allah et risquoha. Il n'y a pas d'animal sur terre sans que son risque ne revienne à Allah. Qu'allah, dabba, qu'allah, fil ard. Il n'a pas dit ala l'ard. Et pourtant, dabba, il est à riche. À la wadi l'ard, à part certains animaux qui vivent dans la terre, mais là le sens c'est djins, des animaux, à la base c'est où? Sur terre. Même t'en as parmi eux, ils sont dans l'eau, comme les poissons et autres. Donc, fi bimana ala, en Allah fauka sama, ala sama. Beaucoup ils ont refusé que le fait que Allah soit au-dessus des cieux à cause du terme fi que pour, c'est-à-dire il est à l'intérieur. On dit là, Allah. فوق عرشه والعرش فوق السماء والعرش اكبر من السماء تمام والعرش اكبر من السماء donc il finit en disant قال فتجد هذا الذي نفى ان يكون الله في السماء حقيقه وقع في محاذير الاربع celui qui a refusé cela c'est que lui est tombé dans 4 méfaits. Qu'il a comparé à Allah, le fait que Allah soit dans les cieux, comme un homme serait dans une pièce. Après qu'il a fait quoi? Un ta'til. عطل النصوص عما دل عليه من علو الله في السماء. Après, il a supprimé les textes du fait que Allah soit dans les cieux. Et qu'on dise non, on va dire faux, bien évidemment. Après, il a fait un ta'til, c'est-à-dire qu'il a fait sans science, avec un jahl et un vom qui est fasid, une pensée qui est nulle. Et quatrième méfait, qu'en refusant cette sifat de kamel pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela impliquait isbat sifat naqs. Sifat naqs. Donc sache qu'une chose, que le mu'attil, avant de faire un ta'til, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tamsil. Donc lui est tombé dans ce qu'il a voulu refuser. Car avant d'avoir supprimé, il a dû imaginer. C'est-à-dire, ça veut dire comme ça, hop, non, ça peut pas être comme ça, hop, il a supprimé. Nous, on n'imagine pas. Là, c'est un marveau dans lequel ils tombent tous. Il faut dire, ouais, vous faites ressembler à la créature. On dit, non, vous le faites. Qu'est-ce qui vous a poussé à supprimer cette sifat ou ce nom? C'est que vous l'avez comparé à la créature. Vous avez fait d'abord, dans votre tête, hein, un takif, après un tamthil, après un ta'til. Vous avez tout fait. Nous, on n'a pas fait cela. Nous, on a fait directement quoi? Un qaboul. بدون تكييف بدون تمثيل اي اثبات الصفه كما جاءت في النص على ظاهرها donc on n'a pas un sarif qui laisse son zahir, on reste sur le zahir. هذا donc هم اقرب مما ارادون ان يفروا من, ils sont plus proches encore. هذا الذي اخذنا اليوم. Aujourd'hui ça fait un vraiment nouveau, juste rod certaines shubuhat, mais il a voulu par cette qaida démontrer que ces gens là sont tombés dans des mahazir, dans des méfaits. Ils ont voulu les fuir, ils sont tombés dedans les pieds joints. Hada. Naam. Allah zi akhazna al-yom. Mafoum hada. Fa ila huna wa alhamdulillah bil alamin.